إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons بإذن الله بعون الله عز وجل la traduction et l'explication en française du livre intitulé القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Dans les derniers cours, on a vu la première partie du livre et on a fini cette première partie qui contenait les différentes règles, les différentes bases que le cheikh donc nous a évoquées, nous a expliquées concernant plus particulièrement les noms d'Allah, Asma'ullah. Et on a vu exactement cette règle. Et aujourd'hui, après avoir donc fini l'explication de ces règles-là, concernant les noms d'Allah Azzawajal, on va entamer la deuxième partie, et qui concerne As-Sifat, Sifatullah Ta'ala, c'est-à-dire donc les attributs. As-Sifat, traduit par les attributs. Va nous dire le Shia, rahimahullah, qawa'idun fi sifatillahi ta'ala, al-qa'idatul oula. Sifatullahi ta'ala, kulluha sifatun kamal. Kulluha sifatu kamal. La naqsa fiha biwajin min al-wujuh. Kal-hayati, wal-ilmi, wal-qudrati, wal-sam'i, wal-basar, wal-rahmati, wal-izza, wal-hikmati, wal-ulu, wal-azamati, wa-ghayri dhalik. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. La première règle que le Shir va nous citer est la suivante. Les attributs d'Allah, le Très-Haut, sont tous des attributs de perfection. Kamal. Kamal donc, terme qu'on a vu plusieurs fois, qui veut dire ce terme la perfection. Kulluha, c'est-à-dire sans exception. Tous. Sont tous des attributs de perfection. Kulluha sifatu kamal. La naqsa fiha biwajhin min al-wujuh. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucune imperfection, aucun caractère imparfait, et cela sous quelle forme que ce soit, sous quel aspect que ce soit, on ne trouvera jamais dans les attributs d'Allah Azzawajal ce qui est propre à l'imperfection, ce qui relève de l'imparfait, de ce qui est imparfait. An-naqs, ce qu'on appelle donc an-naqs, ce qui relève du défaut, de l'imperfection, etc. Biwajin min al-wujuh, sous tous les aspects. Sous tous les aspects. Donc c'est kamal mutlaq. C'est donc une perfection absolue que l'on trouve dans les attributs d'Allah Azzawajal. De même, cela, comme on l'a vu précédemment, dans les noms d'Allah Azzawajal. Il nous cite des exemples, Shir, Kalhaya, comme la vie, Al-ilm, la science, Al-qudra, le pouvoir, Al-sam, l'ouïe, ou Al-basar, la vue, Al-rahma, la miséricorde, Al-izza, la puissance, Al-hikma, la sagesse, Al-ulu, l'élévation, Al-azama, la grandeur, etc. Et donc, ça c'est des exemples ici que nous donne le Shir et qui sont des attributs d'Allah Azzawajal. Lorsqu'on dit Al-Basar, la vue, c'est un attribut d'Allah. Lorsqu'on dit Ar-Rahma, c'est un attribut d'Allah Azzawajal. Il va nous dire que cette règle-là qu'il a citée et que tous les attributs sont parfaits. Cette règle-là, on va la retrouver dans le livre d'Allah Azzawajal. et également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a dit وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا السَّمْعُ. السَّمْعُ, comme on l'a expliqué précédemment, ça voulait dire et ça représentait ce terme, ce que l'on entend de la révélation, et la révélation donc qui revient au livre d'Allah Azzawajal et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici en l'occurrence, le shir, il nous va faire part ou il va nous donner comme preuve un verset du Coran. C'est pour ça qu'il dit Am-Sam. Donc la preuve que tous ces attributs sont parfaits, on a ici trois choses qui vont nous prouver cela. Première chose donc, ce qui est ce que l'on retrouve dans le Coran, ou plus généralement dans les révélations, ici plus précisément dans le Coran, un verset du Coran. Il nous dit le shiras Am-Sam, فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالْمَثَلُ الْأَعْلَى هُوَ الْوَصْفُ الْأَعْلَى. Dans ce verset, dans le sens traduction est le suivant: le mauvais exemple appartient à ceux qui ne croient pas à l'heure dernière, et l'exemple le plus haut appartient à Allah. Il est l'infiniment puissant et l'infiniment sage. Ici, le terme qui va nous intéresser, c'est le terme, ou les deux termes qui vont nous intéresser, c'est Al-Mathalul A'la. Al-Mathalul A'la. Qu'est-ce que veut dire ce terme Al-Mathal? Al-Mathal. Al-Mathal, comme nous dit le shir, ou Al-Wasf. C'est en réalité la caractéristique. C'est en réalité la caractéristique. Donc, dans certaines traductions, ils traduisent par l'exemple. Dans d'autres, ils traduisent par qualificatif. Donc, ce qui est plus proche, c'est qualificatif. Ou alors, attribut. Pourquoi ? Parce qu'on dit Al-Wasf. Al-Wasf, c'est ce avec quoi on décrit Al-Wasf. Donc c'est bel et bien un attribut ou alors un qualificatif également. Ça rend dans le même sens au niveau de la langue française. Donc Al-Mathal ici, c'est Al-Wasf. Et comment il est ce Wasf ? Il est Al-A'la, c'est-à-dire le plus haut. Il n'a pas dit Allah Azza wa Jalla ici Al-Kamal, Al-Mathal Al-Kamal, mais il a dit Al-Mathal Al-A'la. Wal-A'la, wal-ladhi la shifuqa. C'est-à-dire c'est une chose dont rien n'est au-dessus de lui. C'est ça le ma'na al-a'la. Donc al-mathal al-a'la, c'est l'attribut qui va être au-dessus de toute chose. Donc une perfection parfaite, complète, et qui ne contient en aucun cas, sous quelle forme que ce soit, sous quel aspect que ce soit, une imperfection, un défaut. Donc c'est bien une preuve ici, ce verset, qu'Allah Azza wa Jalla, à lui appartient donc les attributs, et ces attributs qui sont parfaits, d'une perfection absolue. Walillahi al-mathalul a'la wa huwa al-azizul hakim. Ça c'est pour le verset du Coran. Wa amma al-'aql. Donc la deuxième méthode pour prouver donc que Allah Azza wa Jalla, il possède bel et bien des attributs, que ces attributs sont donc parfaits. Al-'aql, c'est-à-dire de par notre raisonnement. Et il nous dit le shir, فوجه أن كل موجود حقيقة فلابد أن تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة نقص والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون Donc il nous dit le shir dans un premier temps que comment ou de quelle façon on va faire apparaître de par notre raisonnement, de par notre raison, qu'Allah Azza wa Jalla possède bel et bien des attributs, que ces attributs donc sont parfaits. Il nous dit le shir que tout ce qui est présent, tout ce qui est présent, tout ce qui a une présence, cette présence-là, elle est réelle. Haqiqatan, tayyib. Et donc, à partir du moment où chaque chose a une présence, cette présence, elle a automatiquement un attribut, ou des attributs. Ntakuna lahu sifa. Un sifa, le genre, c'est-à-dire l'attribut ici, de façon générale, donc des attributs. Et ces attributs, ils vont avoir deux cas. Il va se présenter deux cas. Soit ils vont avoir des attributs qui sont parfaits, ou soit qui sont imparfaits. Imma kamal, ou imma naqs. Il nous dit donc le deuxième, donc on voit le raisonnement. Toute chose qui est présente, elle est présente réellement. Et du fait qu'elle est présente, automatiquement elle a des attributs, un attribut, des attributs. Ces attributs ensuite, soit ils vont être de l'ordre de la perfection, soit ils vont être de l'ordre du naqs, c'est-à-dire de l'imperfection. Soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Et il nous dit donc le deuxième, ce qui est de l'imperfection, c'est strictement nul. Ça relève donc de la nullité par rapport au Seigneur. Ar-Rabb, le Seigneur qui lui a droit et qui lui seul mérite l'adoration. Al-Mustahiq lil-Ibad. Al-Mustahiq lil-Ibad. C'est-à-dire celui seul qui mérite l'adoration. Ar-Rabb al-Kamil, qui est lui parfait. Donc ça c'est le raisonnement, c'est plus que clair. Et lorsqu'on sait qu'Allah Azzawajal c'est lui qui est le parfait, qu'Allah Azzawajal il est parfait, donc ce qui est attribué à Allah Azzawajal va automatiquement être parfait. Du même que celui qui va être considéré comme imparfait, comme l'être humain et toutes les imperfections qu'il a ou autre, tout ce qui va être annexé à lui, ça va également relever de ce qui est en réalité imparfait, de ce qui va être donc imparfait. Donc ما أضيف إلى الكمال فهو كمال وما هو مضاف إلى الناقص فهو ناقص. Ce qui est donc annexé à ce qui est parfait, ça va être parfait. Ici donc les attributs, lorsqu'ils sont annexés à Allah Azzawajal, on sait qu'il a des attributs automatiquement. Allah il est parfait, donc ses attributs seront parfaits. Par contre, ce qui sera annexé à ce qui est non parfait, alors automatiquement ce qui est annexé, ça va être également non parfait. Et il nous dit le shir, c'est pour ça que Allah Azzawajal, il a mis en évidence la nullité du caractère divin des idoles. Et il les a caractérisés, c'est-à-dire en les caractérisant bin naqs wal ajz, en les caractérisant bin naqs wal ajz. Donc de par l'imperfection et de par l'impuissance, al-ajz qui est l'impuissance. Al-ajz qui est le contraire de l'qudra, qui est l'impuissance, al-ajz. Et il va nous citer ce verset. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors de Dieu, de celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui le saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et elles, c'est-à-dire leurs divinités, sont indifférentes à leur invocation. Donc on voit ici qu'Allah Azzawajal, lui qui est parfait, il est parfait car il est le seul qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Il met en évidence dans ce verset que ces créatures, ces idoles qui ont été prises comme des êtres adorés en dehors d'Allah Azzawajal, ils sont incapables de répondre lorsque on les invoque. Incapables de répondre. Ils ne savent répondre, et cela jusqu'au jour de la résurrection, de manière continue. Et même ces divinités qu'ils ont adorées sont indifférentes, totalement indifférentes, en leur invocation. Donc on voit bien ici qu'Allah a mis en évidence cette incapacité. et que donc tout ce qui va être annexé à ces idoles, ça va être du domaine de l'incapacité, ça va être du domaine parfois de l'imperfection, car elles sont imparfaites, elles ne peuvent parler, elles ne peuvent répondre à l'invocation, etc. Et nous dit le shir également parmi les versets, wa qala ta'ala والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون. Également cet autre verset qui rentre dans la même catégorie, parce qu'Allah Azza wa Jalla met en évidence l'imperfection de ces êtres créés, et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien. Ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts et non pas vivants. Et ils ne savent quand ils seront ressuscités. Wa qala an Ibrahim wa yahtajju ala abi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Donc regarde également Ibrahim lorsqu'il apporte les preuves à son père que ce qu'il adore, il adore des choses qui sont imparfaites et qui ne peuvent donc répondre à ses invocations. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit? Donc on voit ici un naqs, on voit ici l'imperfection de celui qui n'attend pas, de celui qui ne voit pas. Ça fait partie de l'imperfection. Par contre, celui qui voit, celui qui entend, ça fait partie de la perfection, bien entendu, suivant lorsque ces attributs ils sont annexés. Si c'est Allah Azzawajal, alors ces attributs ils sont parfaits. S'ils sont annexés, ils sont parfaits, et ils sont suivant, bien entendu, ce qui revient à Allah Azzawajal. Par contre, si c'est pour les créatures, alors c'est considéré comme un attribut parfait pour eux, mais dans la limite, eux, de leur perfection, c'est-à-dire les créatures, elles, les créatures. Et on aura l'occasion de revenir encore sur cela. Et donc dans ce verset, Naam, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Wala yurniran kashi'a. Donc tout ça relève de l'imperfection. Wala qawmihi. Et également lorsque Ibrahim, il a parlé à son peuple et leur prouvé ce qu'il faisait, c'était de l'ignorance et du dbalal. Il disait Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'a. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'a wa la yadurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Afala ta'qilun. Il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne serait en rien vous être utile ni vous nuire. Donc on voit que dans ce verset également, Allah Azza wa Jal, il fait apparaître, de par donc la parole de son prophète Ibrahim, il fait donc apparaître l'incapacité et donc l'imperfection de ces créatures. Taïb. Et donc on voit bien ici que on est bien dans le domaine du naqs, on est bien donc dans le domaine que ces créatures qu'elles ont été prises comme idoles, elles ont été adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, elles ont bien été présentes, ça de façon réelle, et que soit elles devaient avoir, donc elles ont ensuite un sifa, et que ce sifa soit il va être donc parfait ou alors imparfait. Et on voit ici que c'est un sifa qui est imparfait. Tout ce qui nous a été cité dans le Coran ici, ça prouve bien que c'est imparfait. Donc, ce qui est imparfait ne mérite d'être adoré. C'est également ici la logique par rapport à l'adoration. C'est pour ça qu'il disait le shirk والثاني باطل بالنسبه الى رب الكامل المستحق للعباده. Celui qui mérite l'adoration, celui qui mérite l'adoration, le seul, c'est lui donc à qui revient les attributs parfaits. Donc de par notre raisonnement on y parvient. Également le shir nous dit, il va revenir à ce qu'on appelle le fitra, et avant c'est la troisième méthode d'argumentation de cette règle qu'il a citée le shir. Et avant cela, il nous dit ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفة كمال ويمن الله تعالى فمعطي الكمال أولى به. Ici également, il va nous donner une règle, le shir, une règle, on va dire, de raisonnement. ce qu'on appelle qiyas al-oula, c'est-à-dire le fait de faire une analogie ici. Et comment aller cette analogie, c'est de cette façon, il dit le shir, qu'il est attesté, que ce soit par la bilhis, c'est-à-dire parce qu'on perçoit la perception, ou le mushahada, parce qu'on voit, parce qu'on observe, que l'il-makhlouq sifatikaman, c'est-à-dire que, comme on est auparavant, al-makhlouq, c'est-à-dire celui qui est créé, il a des attributs qui sont considérés par rapport à lui, bien entendu, bima yaliq bihim, dans leur cas, qui sont considérés comme parfaits. Et le shir, il nous dit, wayamin Allah et ta'ala, c'est-à-dire que c'est sifat, qui est le créateur, qui c'est qui a créé, comme à l'exemple de l'être humain, qui c'est qui a créé l'être humain et qui lui a donné donc des attributs qui sont dans son cas, et pour lui, des attributs qui sont parfaits. C'est Allah Azzawajal. فَمُعْتِي الْكَمَلْ أَوْلَابِي, c'est-à-dire celui qui va donner maintenant cette perfection, il est plus en droit de cette perfection, c'est-à-dire ça va être le premier à la posséder, dans le sens que celui qui a fait don de cette perfection, il va être le premier à posséder cette perfection. Et là, ça également, c'est un raisonnement que nous donne le shir. Ensuite, la troisième et dernière méthode d'argumentation, c'est al-fitra, ce qu'on appelle donc al-fitra, un terme qu'on a vu maintes fois durant les cours, qu'on traduit par la prédisposition naturelle, par la saine nature, etc. Il nous dit le shir, فَلِأَنَّ النُّفُوسَ السَّلِيمَةَ مَجْبُولَةٌ مَفْطُورَةٌ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ وَتَعْظِيمِهِ وَعِبَادَتِهِ وَهَلْ تُحِبُّ وَتُعَظِّمُ وَتَعْبُدُ إِلَّا مَنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ اللَّائِقَةِ بِرُبُوبِيَتِهِ وَأُلُوهِيَتِهِ. Il nous dit le shir que tous les êtres, toutes les âmes, elles sont, et ça de par la nature, majbulatun maftura, elles sont prédisposées, elles sont contraintes en réalité à l'adoration, ou plutôt à l'amour d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire à nafs. Et bien entendu, si elles nous font, c'est salim, celles qui sont saines, celles dont rien n'a changé leur vraie nature. Et on sait que tout le monde naît suivant la saine nature, comme nous l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette nature, si elle est préservée, si elle est conservée, alors automatiquement, elle est, de par sa nature donc, elle va aimer Allah Azzawajal, elle va le révérer, et elle va donc reconnaître et accomplir son adoration. Et donc il nous dit à partir de là le shir, et est-ce que donc cette âme qui a été créée de cette façon-là, est-ce que cette âme-là, elle va pouvoir aimer, elle va pouvoir révérer, elle va pouvoir adorer ce dont elle sait que ce qu'elle va adorer, muttasifun bi sifat al-kamal, c'est-à-dire qu'elle va, ce qu'il va adorer, il va être lui, et ici bien entendu Allah Azzawajal, il va être caractérisé par des attributs qui vont être parfaits et qui sont propres à lui subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire propres à sa seigneurie et propres à son adoration subhanahu wa ta'ala, yani rububiyati wa uluhiyati. Donc automatiquement, ça c'est une chose qui est plus que claire, al-fitra, la personne elle va aimer Allah Azzawajal. Et lorsqu'elle aime Allah subhanahu wa ta'ala, elle l'a aimé parce qu'elle sait qu'automatiquement c'est lui qui a les attributs qui sont parfaits et qui sont au nom propre à sa seigneurie, qui sont suivant ce qui convient à sa seigneurie et à son adoration, wa uluhiyati, à son donc sa divinité subhanahu wa ta'ala. Et nous dit le shir, وَإِذَا كَانَتَ الصِّفَةُ نَقْصًا لَا تَمَالَ فِيهَا فَهِيَ مُمْتَنِعَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالْمَوْتِ وَالْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ وَالْعَجْزِ وَالْعَمَى وَالصَّمَامِ وَنَحْوِهَا. C'est-à-dire que si ces attributs, ou s'il y a des attributs qui sont considérés donc comme naqsan, c'est-à-dire qui sont considérés comme imparfaits, et dont il n'y a pas de kamal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perfection, automatiquement cela est strictement impossible dans le droit d'Allah Azzawajal. Adamum tanir, c'est strictement impossible que l'on qualifie Allah Azzawajal de par des attributs de cette manière. Et ces attributs donc qui sont comme al-maut, ou al-jahl, ou al-nisyan, c'est-à-dire la mort, l'ignorance, l'oubli, al-nisyan, al-aj, l'impuissance, al-ama, la cécité, le fait de ne pas voir, donc, d'être aveugle, al-samam, la surdité, le fait de ne pas entendre, et les autres attributs encore, qui sont vraiment les attributs imparfaits. Et c'est pour ça qu'il va nous citer ici plusieurs versets du Coran qui, ou dont Allah Azzawajal s'écarte donc de ses attributs. Parmi ces versets, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَقَوْلِ عَنْ مُوسَى فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى وَقَوْلِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَقَوْلِ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعوار وإن ربكم ليس بأعوار وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. Donc il nous dit ici, le cheikh il nous rappelle donc tous les versets. Donc le premier verset, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. وتوكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Donc ici Allah Azza wa Jal nafa al-maut, c'est-à-dire donc qu'il a nié ici la mort. Il a dit par rapport à Moïse, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur, dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. La yadullu rabbi wa la yansa. C'est-à-dire ici qu'Allah Azza wa Jal va nier l'ignorance, également l'initiane et l'oubli. Wa qawlu wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fi samawati wa la fil ard. Et ici, bien entendu, c'est pour ce qui est de l'impuissance et rien, l'incapacité, et rien dans les cieux ni sur terre ne se réduire à l'autorité d'Allah. Liyu'jizahu. Ici, le terme liyu'jizahu, qui vient du terme, ce verbe qui vient du terme al-'ajz, liyu'jizahu, qui le rend donc incapable. Rien ne rend incapable Allah Azza wa Jal, le rend impuissant subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Et donc ici également Allah Azza wa Jal, il va nier la surdité. C'est pour ça qu'il dit, ou bien, dans donc la traduction du sens, ou bien escompte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. Également dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premier hadith qui est muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, lorsqu'il a parlé à propos du Dajjal et lorsqu'il l'a décrit, il a dit inna wa a'war wa inna rabbakum laysa bi a'war, c'est-à-dire que l'antéchrist lui il est borgne alors que votre Seigneur ne l'est pas. Donc ici dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a nié Allah azza wa jal ici donc à l'ama, qu'il soit donc aveugle. Qu'il soit donc aveugle. Wa qala ayyuhan nas arba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wa la gha'iban. Ici également samam. Ce hadith donc, ô gens, retenez-vous car vous n'invoquez pas un sourd ni un absent. Il n'y a pas besoin d'invoquer à très haute voix. Arba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wa la gha'iban. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié, pour ce qui est dans le droit de son Seigneur, la surdité. Et pour ce qui est des attributs, donc on voit ici que c'est un axe, ici qui est un axe mutlaq, une imperfection qui est totale par rapport à ce qui a été cité. Et on sait que as-sifat, de façon générale, les attributs, ils vont entrer dans trois catégories. Donc des attributs qui contiennent une perfection qui va être totale, absolue, mutlaq. Une deuxième catégorie, et qui est al-naqir, c'est-à-dire complètement l'opposé, et qui comprend les attributs qui sont, eux, totalement imparfaits, qui contiennent l'imperfection même, et qui ne comprennent absolument aucune perfection. Et des attributs qui, suivant les aspects, ils peuvent comprendre soit donc une imperfection ou alors une perfection. Ce qu'on aura également le cas de voir, Inch'Allah, plus en détail, à la suite de ce que va expliquer le shirk. Donc ici, on a bel et bien trois attributs, ou trois catégories d'attributs, pour ce qui est Naam, pour ce qui est des attributs de façon générale. Il en a cité deux, et ensuite il citera le shirk, la troisième. Également, ici pour nous faire voir et pour nous prouver le shirk, qu'Allah Azzawajal, il va châtier ce don ils ont, les personnes ou les individus ou des groupes de personnes qui ont décrit Allah Azzawajal par l'imperfection. Ayyadan billah. C'est pour ça qu'il nous dit وَقَدْ عَاقَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَاصِفِينَ لَهُ بِالنَّقْصِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَقَوْلُوا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Ça, bien entendu, c'est les versets qui sont descendus sur les Juifs. Et le premier verset, donc les Juifs qui ont, عِيَاذًا بِاللَّهِ, qui ont attribué à Allah Azzawajal l'imperfection, qui ont caractérisé Allah Azzawajal par l'imperfection. Qu'Allah les maudisse. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et les Juifs disent la main d'Allah est fermée, que leurs propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, il distribue ses dons comme il veut. Pour le deuxième verset, Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Donc là, c'est également les Juifs qui ont dit cela. Nous enregistrons leurs paroles ainsi que leurs meurtres sans droit des prophètes, et nous leur dirons goûter au châtiment de la fournaise. Donc ça, c'est pour montrer et pour appuyer ce qu'a dit le Shia dans cette catégorie, et pour prouver qu'Allah Azzawajal, il va donner un châtiment terrible à ceux qui ont fait cet acte-là, c'est-à-dire le fait de caractériser Allah Azzawajal par un naqs, par l'imperfection. Et il dit ensuite le Shia وَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَمَّا يَصِفُونَهُ بِهِ مِنَ النَّقَائِسِ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Donc également ici il nous prouve de par ces versets du Coran qu'Allah Azza wa Jal c'est exempt, c'est écarté de toutes les imperfections qu'on a pu lui attribuer. De par cette parole, gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, exemple de ce qu'ils attribuent. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Paix aux messagers. Walhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Donc ici, Allah Azza wa Jal, on voit bien que dans ce verset, qui est le suivant, gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Donc tout ce qu'ils ont pu dire de mal sur Allah ou de description imparfaite, Allah est au-dessus de cela. Il nous a dit le chien, donc il s'est écarté, il est exempt lui-même de tout cela. Et c'est ensuite dans le verset wa salamun ala al-mursalin. Il dit donc salamun ala al-mursalin, wa salamun ala al-mursalin, et paix sur les envoyés, parce que eux, ils ont en réalité retenu leur cœur, leur langue et toute chose de ce qui allait en encontre de cela, c'est-à-dire qu'ils ont uniquement fait la louange d'Allah, ils ont uniquement décrit Allah Azzawajal de par ce qu'il méritait comme perfection. Ils ne sont jamais tombés dans l'imperfection. C'est pour ça qu'ensuite Allah Azzawajal yaqul wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et également donc walhamdulillah, également fil hamd, ça comprend également ici le fait qu'Allah Azzawajal va s'écarter de toutes les imperfections. Car on sait également de ce qui va nous prouver la perfection d'Allah Azzawajal dans ses attributs, c'est les versets donc dont Allah Azzawajal va s'écarter, ou va rendre, ou va mettre en évidence qu'il est exempt de tout an-naqais, les imperfections. Mais également les versets qui comprennent Al-Hamd, qui comprennent donc la louange, et également des versets qui comprennent Thubut al-Asma, c'est-à-dire l'attestation des noms. Ensuite, le shir, il va ici entrer dans la troisième catégorie qu'on a citée. Et c'est la suivante. يقول الشيخ رحمه الله عليه وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لابد من التفصيل فيجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأن حينئذ تدل على أن فاعل قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد وتكون نقصا في غير هذا الحال ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكر في مقابلة من يعاملون ورسله بمثلها فقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. Donc le shir ici, il va nous faire part de la troisième catégorie des attributs. Des attributs qui sont dans une situation, dans un cas, considérés comme kamel, c'est-à-dire parfait. Et dans un autre cas, ils sont considérés comme imparfaits, c'est-à-dire que le même attribut. Dans une situation, il est considéré comme parfait, dans une autre situation, il va être considéré comme imparfait. Dans un cas, il va être parfait, dans un autre cas, il est imparfait. Ça, c'est une catégorie que l'on trouve parmi les attributs de façon générale, en plus des deux qu'on a vus auparavant. Il va nous dire à partir de là, ces attributs qui rentrent dans cette catégorie ici, il va nous dire qu'elles ne sont pas permises pour Allah Azzawajal, dans le droit d'Allah Azzawajal, de façon absolue. Mais également, elles ne sont pas interdites dans son droit de façon absolue. À la sabil al-itlaq. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'il va nous dire ensuite le shir, falatouf bitoula ou ifbatan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attester de manière absolue ce sifa, cet attribut pour Allah Azzawajal. Mais également, on ne peut pas renier cet attribut, le renier de façon claire, de façon absolue. Et il faut ici ce qu'on appelle un tafsil. Il faut ici donc une explication, donner les détails qu'il faut pour comprendre donc cette catégorie et pourquoi le shir a dit cette parole. Il nous dit, comme on sait que ces sifa, ces attributs-là, ils sont dans certains cas, dans certaines situations, considérés comme kamel, comme perfection, alors dans ce cas-là, il est permis de les attribuer à Allah Azzawajal. Et ils sont considérés comme tels, dans le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bima yaliqu bihi, bien entendu, pour ce qui est propre à lui, subhanahu wa ta'ala. Et ce même attribut, il devient interdit. C'est-à-dire il devient interdit qu'on l'attribue à Allah Azzawajal au moment ou dans le cas où il va être considéré comme imparfait. Et lorsqu'on va voir les exemples qu'il va nous donner le shir, ça va être beaucoup plus clair de ce qu'on a dit. Et les exemples qu'il nous a donnés, il va donc les reprendre, bien entendu, du Coran, car on sait qu'on ne peut attribuer à Allah Azzawajal sauf ce qui a été attesté par le Coran et la Sunna authentique. Et ça, on revient donc au terme qu'on avait vu précédemment. Le terme, lorsqu'on avait dit tawqifiyya, natawqaf ala nusus li ithbat al asma wa sifat. À la kulli hal, ici, le premier exemple qui va nous donner le shir al-makr. Al-makr. Al-makr, que l'on traduit par le complot. Le deuxième exemple, al-kaid. Al-kaid, qu'on peut traduire par la ruse. Al-khida'. Donc al-khida' qu'on peut traduire par qui est proche également, qu'on peut traduire également qui est proche de la ruse, al-khida', ou alors le fait de tromper, non, le fait de tromper, tromperie, on peut dire par tromperie également, ou des termes qui sont proches, ou anahouya, et d'autres encore. Donc le chef, il va ici nous donner une règle. Et cette règle-là, elle est importante à comprendre. Ça nous permettra de comprendre tous les attributs qui rentrent dans cette catégorie. À l'exemple des trois que le chef nous a donné. Ces attributs-là, ils sont en réalité dans certains cas considérés comme parfaits. Et dans d'autres cas, ils sont considérés comme imparfaits. Donc dans le cas où ils sont considérés comme parfaits, dans ces situations, dans ces cas, on les attribue à Allah Azzawajal. Car lui-même, subhanahu wa ta'ala, se les a attribués dans son Coran. Bien entendu, ce n'est pas une chose qui est inventée ici. Et dans le cas où, où il n'est pas permis qu'on attribue à Allah Azzawajal ses attributs, on ne les attribue pas. Strictement interdit. C'est dans le cas donc, où la situation, où ils sont en position d'imperfection. La règle qui va nous donner est importante, très importante, c'est celle-là. Lorsqu'il dit فَهَذِي الصِّفَاتُ تَكُونُ كَمَالًا إِذَا كَانَتْ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ يُعَامِلُونَ الْفَاعِلَ بِمِثْلِهَا لِأَنَّ حِينَئِذٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَاعِلَ أَوْ لِأَنَّ حِينَئِذٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَاعِلَ قَادِرٌ عَلَى مُقَابَلَةِ عَدُوِّهِ بِمِثْلِ فِعْلِهِ وَشَتَّ وَتَكُونُ نَقْصًا فِي غَيْرِ هَذَا الْحَالِ وَتَكُونُ نَقْصًا فِي غَيْرِ هَذَا الْحَالِ. Donc le shaykh va nous dire qu'il y a une seule situation où ces attributs, à l'exemple de ceux qu'il a cités, sont considérés comme parfaits. C'est au moment où Allah Azzawajal, il va rendre à ceux qui font cet acte, c'est-à-dire à l'exemple de l'acte de la ruse, à l'exemple de l'acte de la tromperie, Al-Kaïd, ou alors l'exemple, l'acte du complot. À ce moment-là, lorsqu'une personne essaie de comploter contre Allah Azzawajal, lorsqu'une personne essaie de tromper Allah Azzawajal, lorsqu'une personne essaie de ruser contre Allah Azzawajal, à ce moment-là, lorsque Allah il répond à cette ruse de par une ruse, lorsqu'il répond à cette tromperie de par une tromperie, lorsqu'il répond à un complot de par leur complot, alors à ce moment-là, c'est considéré comme parfait. Parce que ça prouve, comme nous l'a dit le shir, que fa'ila, celui qui fait cet acte-là, en l'occurrence Allah subhanahu wa ta'ala ici, qadirun ala muqabalati adoui, c'est qu'il a la capacité de répondre à son ennemi. Bimithli fi'liha wa ashad, de par le même acte, donc comme on l'a dit, à l'exemple de la ruse, à l'exemple la khidar, la tromperie, le complot, bimithli fi'liha wa ashad, ou encore plus fort. Donc ça prouve ici, bel et bien qu'Allah azza wa jal, la capacité donc de répondre à ceux qui complotent contre lui, qui essayent de comploter contre lui, de ceux qui essayent donc de ruser contre lui. Donc ici, c'est bel et bien un attribut de perfection. Et dans le cas contraire, ça aurait été de l'imperfection. À titre d'exemple, une personne qui n'a pas la capacité de répondre à la ruse, de ne pas répondre à un complot, alors automatiquement, il est considéré comme impuissant devant ce complot, comme impuissant devant cette ruse. Ta'ala Allah an dhalik, qu'Allah azza wa jalla est au-dessus de cela. Lui, subhanahu wa ta'ala, il a la capacité de répondre donc. Il a la capacité de répondre de par cet acte-là à ses ennemis. Donc ici, c'est la règle. C'est ici la règle. Et en dehors de cela, c'est uniquement cette situation. En dehors de cette situation, ces attributs, ils sont considérés comme naqs. Minan naqais, ils sont considérés comme imparfaits, comme des défauts. Et à ce moment-là, donc, il est strictement interdit de qualifier Allah Azzawajal de par ses attributs. Et c'est pour ça, donc, comme on l'a vu dans les noms, qu'il est strictement interdit de dire qu'Allah Azzawajal ou Al-Makir. Al-Makir, celui donc qui complote. Ça voudrait dire qu'il complote à tout moment. Et ça, c'est strictement interdit. Et ici, il va rentrer l'imperfection. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal ne s'est jamais nommé par ces noms-là. Mais uniquement, il a annexé, attribué à lui-même ses attributs au moment où il a répondu et prouvé donc sa puissance subhanahu wa ta'ala à ses ennemis. Et la règle, elle va être ici appliquée dans tous les versets que le shir nous a donnés. Regardez dans le premier verset qu'il nous a donné: wayamkurun wayamkurullah wallahu khayrul makirin. Donc on voit ici, ils complotèrent, donc il y a un acte qui est commencé de ses ennemis et qu'ils complotèrent. Mais Allah a fait échouer leur complot. Ici, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ. Non, il faut le traduire comme وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ. Donc, ils complotèrent et Allah a comploté. C'est-à-dire, donc, il a comploté contre leur complot. Et bien entendu, le résultat, c'est que leur complot a échoué. Donc on voit ici qu'Allah Azzawajal ici, il est puissant, il a la capacité, subhanahu wa ta'ala, de répondre à leur macre, à leur complot. Donc ici, sifat kamal. Donc on voit, c'est en réponse, on voit bien ici que c'est en réponse à ce qu'ont débuté ses ennemis, subhanahu wa ta'ala. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et Allah est le meilleur de ceux qui complotent en stratagème. L'autre verset, regardez, de même, إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. Donc regardez le deuxième verset de même, إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ. Ils se servent d'une ruse, c'est-à-dire ils rusent, إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. Et donc je ruse à mon tour. Donc on voit, c'est en réponse à leur ruse, Allah a jugé la rusé contre eux. Et donc, à annuler de par là leur ruse. قَوْلُوا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Donc de même, ceux qui traitent de mensonges aux enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Ici, إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Je leur accorderai donc un délai car ma ruse est inébranlable. Je leur accorderai un délai car ma ruse est solide et inébranlable. Wa umli lahum inna kaydi matin. Donc ici c'est en réponse à ce qu'ils ont fait. De même dans l'autre verset, inna al-munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Donc de même ici, certes les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Subhanallah. Donc on voit ici de même. وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. Et ici donc dans ce verset, le dernier verset qu'il nous a cité, ils ont dit nous sommes avec vous, en effet nous ne faisions que nous moquer d'eux. والله يستهزئ بهم. Et Allah عز وجل, il se moque d'eux. Donc on voit ici de même, à son tour, pour répondre donc à leur moquerie, Allah عز وجل se moque d'eux. Dans ce cas, c'est la preuve de sa capacité, subhanahu wa ta'ala, à répondre à ce qu'ils ont fait. Donc on voit ici que c'est bel et bien, tous ces attributs, ils sont dans leur aspect, dans leur situation où c'est considéré comme parfait. Donc, dans ce cas, on les attribue à Allah Azza wa Jalla. Par contre, dans tous les autres aspects, dans toutes les autres situations, il ne les est pas permis de les attribuer à Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Donc on ne peut pas dire Allahu yastahzi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il se moque de façon absolue, dans tous les cas. Ou Allah Azza wa Jalla, il ruse, comme ça, de façon générale, de façon absolue, strictement interdit de le dire. Uniquement, comme cela a été cité à travers les versets, uniquement dans ces situations. Et ensuite, il va nous donner ici une faïda, le shirk, pour ce qui est de ce qui ne rentre pas, ou de ce qui est compris comme étant une imperfection uniquement. Et c'est l'attribut suivant. Cet attribut-là, comme certaines personnes peuvent se tromper parmi le commun des musulmans, c'est un attribut qui est considéré, qui rentre dans la première catégorie, ou alors plutôt la deuxième catégorie qu'on avait citée, et qui est les attributs qui sont purement imparfaits. Fijamir al-Wujud, dans tous les cas, et dans tous les aspects. C'est pour ça qu'il nous dit le shirk. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلق وبهذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. Donc ici l'exemple qu'il nous a donné le shirk, c'est l'exemple de al-khiyana, qui est l'exemple de al-khiyana. Qu'est-ce que c'est que al-khiyana? C'est la trahison. On peut traduire par la trahison. Donc le fait de trahir, c'est à quel moment qu'on trahit? C'est lorsque la personne a confiance en toi. Et lorsqu'elle a confiance en toi, à ce moment-là, tu la trahis. Donc, qu'est-ce que cet attribut, il peut avoir un aspect qui va être à un moment considéré comme parfait là. Parce qu'on ne peut répondre à la trahison par la trahison. Et c'est pour ça que dans le verset qui nous a cité le shirk, et qui est le suivant, وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ فَأَمْكَنَ مِنْهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dans ce verset, s'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont déjà trahi Allah, bien entendu par leur mécréance. Mais il a donné prise sur eux. C'est-à-dire ici par rapport au tafsir, le jour de Badr, la bataille de Badr. Mais il a pris prise, mais il a donné prise sur eux. Et Allah est omniscient et sage. Donc le shir, il nous a dit, Allah Azza wa Jalla n'a pas répondu à cette khiyana par al-khiyana. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit fakhanaum. C'est-à-dire qu'à son tour, il les a trahis. Et à partir de là, ce qu'on sait donc, que cela est uniquement un naqs, ça rentre dans la catégorie du naqs, on n'a pas le droit de dire cette expression que beaucoup de gens disent parmi les communs des musulmans, comme le rappelle le shirk, et que c'est strictement interdit. Cette parole qui est, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal trahisse celui qui le trahit, ou celui qui trahit, ou celui qui le trahit, ou celui qui trahit. Qu'Allah trahit celui qui trahit ou ceux qui trahissent. Donc ça, c'est strictement interdit de dire cette parole-là. Taïb. Ensuite, le cheikh va nous parler de Al-Qa'ida al-Thaniya, et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.